On m'appelait Tony, mais mon nom c'était Blaise. Elle était bien jolie, mais elle s'appelait Thérèse. Il ne me manquait rien pour que je lui plaise, sauf ce tout petit rien. Ne me déplaise, elle ne me faisait rien pour me mettre à l'aise. Je balançais mon cœur comme sur un trapèze. Elle posait toujours son cul entre deux chaises. Elle prenait toute la place dans mon cœur et sur mon trapèze. Alors tout mon émoi la rendait fort aise. Je me prenais les pieds dans mes charentaises. Elle me rebalançait deux, trois de ses fadaises. Je mettais en bémol mes blanches et mes dièses. Je lui écrivais des rimes super balèzes, avec du soleil, des oiseaux, des falaises, avec des pizzas, du chocolat et des fraises, des échelles, des chats noirs et des vendredis 13. Et des vendredis 13. Et des vendredis 13. Sur un trapèze, elle posait toujours son cul entre deux chaises. Elle prenait toute la place dans mon cœur et sur mon trapèze. Je lui écrivais des rimes super balèzes, avec du soleil, des oiseaux, des falaises, avec des pizzas, du chocolat et des fraises, des échelles, des chats noirs et des vendredis 13.